ça ne va pas très bien aujourd'hui, dites-vous bien que vous auriez pu être un Shadok vieux d'une cinquantaine d'années. Car il y a 50 ans, quelques jours avant mai 1968, le laboratoire d'idées de l'ORTF lançait un étrange programme d'animation diffusé chaque jour pendant 3 minutes. 300 épisodes pour raconter les aventures de deux catégories d'êtres vivants, les Shadok, espèces d'oiseaux au ventre bas, même si cette bassesse est atténuée par des pattes hautes et maigrelettes, et puis les gibis, reconnaissables à leur chapeau melon. Les Shadok sont un peu les rois du ratage, mais attention, rien à voir avec un échec plein de panache. Eux, leur truc, c'est l'échec bête, pesant, obstiné, l'échec bas du front, un peu absurde, qui fait de ces oiseaux bizarres, les enfants du père et de la mère Ubu, satisfaits de leur ratage, entêtés dans leur nullité, car, comme on dit chez les Shadok, en essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a des chances que ça marche. Les Shadok essayent. Ils essayent tout d'abord face aux gibis, car les gibis sont aussi intelligents que les Shadok sont bêtes. C'est ce qui leur permet d'envisager avec sérénité les efforts déployés par les Shadok pour leur nuire. Les Shadok en tiennent une sacrée couche. Ils sont menés par le professeur Shadoko, savant incompréhensible aux idées stupides. Ils tentent vainement, par exemple, de construire une fusée fonctionnant au Cosmogol 999. Bien évidemment, cette fusée ne marchera jamais, mais les Shadok s'en moquent, car de toute façon, l'échec est leur quotidien, un échec symbolisé par une action principale pompée. Ces histoires de Shadok et Gibi déclenchèrent une belle polémique coupant la France en deux, peut-être dans le sens de la hauteur puisque la planète Gibi est une planète très plate. La polémique fut telle qu'une émission fut créée où Jean-Yann sélectionnait les lettres des téléspectateurs les plus courroucés. Quand on est normalement intelligent, on préfère voir de belles choses plutôt que vos morpions, plutôt que vos Phtirius inguinalis, plutôt que vos cafards. Montrez-nous donc nos belles églises, nos beaux ponts, nos belles rivières, nos belles mairies d'arts et monuments et nos bonnes champs. C'est vrai qu'il y a des bonnes gens en France, c'est vrai, on ne fume pas suffisamment les bonnes gens. Et n'oubliez plus que la France, c'est le pays de Louis XIV et de Napoléon. Pourquoi tant de violence? Parce que l'échec ne se laisse pas facilement contempler. En 1968, on était en plein dans les 30 glorieuses et les Français ne s'étaient pas encore habitués à la possibilité du ratage. Ils étaient encore triomphants entre Citroën DS et Concorde supersonique. Les Shadok, eux, ne connaissaient qu'une innovation principale, la passoire. Les mécontents étaient méchamment matés par le chef Shadok en vertu du principe suivant: pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il suffit de taper sur les mêmes. Et maintenant, bonne journée, puisque vous n'êtes pas un Shadok.